بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue, cher frère, la lecture de ce conseil très profitable de l'imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala concernant les mœurs des gens de science. Et donc on a vu hier l'importance de la khashya, l'importance de craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Et que le fait de craindre Allah tabaraka wa ta'ala implique que l'individu va respecter les limites d'Allah et suivre le manhaj, suivre la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite après cela l'imam Ibn Baz, فَإِذَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ صَارَ تَنَطُعًا وَغُلُوًا لَا يَجُوز. Mais s'il augmente, s'il dépasse cette limite, alors cela devient de l'exagération. De l'exagération. Et cela n'est pas permis. فَالْعَالِمُ هُوَ الَّذِي يَقِفُ عِنْدَ حُدُودِ اللَّهِ فِي الْإِبَاحَةِ وَالْمَنْعَ. Et donc le savant, c'est celui qui va respecter les limites d'Allah tabaraka wa ta'ala dans la permission et dans l'interdiction. Il ne va pas dépasser les limites, il ne va pas exagérer. Il ne va pas exagérer. Wa fil amali wa tark. Donc il ne va pas non plus dépasser les limites dans le fait d'œuvrer ou de délaisser. Il ne va pas non plus walakinahu ma dhalika yakunu shadid al hadar an yakula ala Allah bighayri ilm. Cependant le savant, il va beaucoup se méfier quant au fait de parler d'Allah sans science. Aw ya'mala bi khilafi ma alim fayushabih al yahud fi dhalik. Ou alors il va se méfier quant au fait d'œuvrer d'une façon qui n'est pas conforme à ce qu'il connaît, à sa science, et en cela il va ressembler aux juifs. Wa qad dhakara Allah subhanahu an ba'd ahli al-kitab al-amilin al-atqiya khisalan hamida. Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala, il a cité de certains des gens du livre, de ceux qui avaient la piété, de ceux qui œuvraient avec leur livre, Allah tabaraka wa ta'ala a cité d'eux quelques caractères louables. Tadhkiran lana bidhalik, pour nous faire le rappel de cela. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, inshallah ta'ala, quelques caractères louables qu'Allah tabaraka wa ta'ala a cité des gens du livre. Faqala ta'ala, Allah qui dit laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab. Il y a dans leurs histoires une leçon à tirer pour ceux qui sont doués de raison dans leur récit. Et c'est là que, à chaque fois je le répète, barakallahu fikoum les frères, c'est important d'apprendre l'histoire. C'est important d'apprendre l'histoire, l'histoire des prophètes, l'histoire des compagnons, l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a énormément de leçons à tirer quand on apprend l'histoire de ceux qui nous ont précédés. Il continue l'imam Ibn Baz, il nous dit fafi tarikh wal qisas ibarun kama qala azza wa jalla. Et donc il y a dans l'histoire et les récits des leçons comme l'a dit Allah azza wa jalla. Et il dit subhanah laysu sawaa min ahli al-kitab ummatun qa'imatun yatluna ayati Allah ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khayrat wa ulaika min as-salihin. Ils ne sont pas égaux, ils ne sont pas semblables. C'est-à-dire tous les gens du livre ne sont pas semblables, ils ne sont pas égaux. Il y a parmi les gens du livre une communauté droite, une communauté sur la droiture. Yatluna ayatillah, ils récitent les versets d'Allah durant la nuit et ils se prosternent. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous incite à faire qiyam al-layl et qu'il nous dit que cela fait partie de d'abu salihin qablana. Et donc ce sont les rituels, les habitudes des pieux avant nous, le fait de prier la nuit. Wahum yasjudun, et aussi ils se prosternent. Les gens du livre, ils se prosternent. Wa alaykoum as-salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Ils croient en Allah et au jour dernier. Ils ordonnent au convenable et interdisent le blâmable. Wa yusari'ouna fil khayrat. Ils accourent au bien. Wa ulaika min as-salihin. Et ceux-là font partie des pieux. Il nous dit l'imam Ibn Baz rahimahullah. Wa hadha namoudaj min a'malihim at-tayyibah. وهذه الصفات الحميدة ذكرها الله سبحانه عنهم لنقتدي بهم فيها ولنسلك هذا المسلك ونتأسى بأهل الخير. Et donc il dit rahimahullah, et donc ceci est un exemple de leurs bonnes œuvres, de leurs bonnes actions, et ce sont certaines de leurs bonnes de leurs caractéristiques louables. Allah tabaraka wa ta'ala les a citées afin que nous puissions les suivre en cela, et afin que nous puissions emprunter leur voie en cela, et les prendre pour exemple, et prendre les gens du bien pour exemple. Et donc c'est important, comme je dis, barakallahu fikoum les frères, c'est important qu'on lise le Coran, qu'on lise les récits des peuples d'avant nous, afin qu'on prenne exemple sur les pieux parmi eux. On prenne exemple sur les pieux parmi eux, et qu'on tire des leçons de ce qui est arrivé aux désobéissants parmi eux. On regarde quels sont les caractères qu'Allah tabaraka wa ta'ala a loués dans son livre et quels sont ceux dont il a mis en garde. Et ça, on en a besoin dans notre vie de tous les jours. On en a besoin afin d'apprendre quel est le bon comportement. Wa hakadha fi akhir surati Ali Imran. Et aussi à la fin de la sourate, donc Ali Imran, il dit tabaraka wa ta'ala: وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Et il y a parmi les gens du livre ceux qui croient en Allah et en ce qui a été révélé sur, en ce qui a été descendu sur vous, et ce qui a été descendu sur eux. Ils craignent Allah, ils ont de la crainte pour Allah, tabaraka wa ta'ala, et de l'humilité envers lui. Ils ne vendent pas ces versets à vil prix. Ils ne vendent pas ces versets à vil prix. Ceux-là auront pleinement leur récompense auprès de leur Seigneur. Certes, Allah, tabaraka wa ta'ala, est prompt dans le jugement. Et donc ici, on a encore plusieurs caractéristiques qui ont été citées, et le Cheikh Ibn Baz rahimahullah, il va développer sur ce sujet, donc comme on va le voir aujourd'hui et aussi dans le cours de demain. Demain dimanche, on fait cours aussi, alhamdoulilah. T'avais annoncé dimanche dans le programme, Tayyib. Bismillah, on va finir l'épître demain, bismillah ta'ala. Que la facilite. Les frères, barakallahu fikoum, parmi les caractéristiques qui ont été citées, il y a un point sur lequel j'attire votre attention. C'est l'importance, comme je l'ai dit, barakallahu fikoum, le fait de lire les versets d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a fait l'éloge de Ahl al-Kitab, les gens du livre, par le fait que ces gens-là, ils récitent ces versets. Ana al-Layl. Ils récitent ces versets durant la nuit. Ils récitent ces versets durant le jour. Et quel verset ils récitaient, barakallahu fikoum, les gens du livre? Quel verset il récitait? De quel livre? Al-Tawrat ou Al-Injil? Tayyib, barakallahu fikoum les frères. N'est-ce pas que nous sommes plus en droit, nous, de réciter le Coran, qui est meilleur que Al-Tawrat ou Al-Injil? Le Coran qui abroge tous les livres qui l'ont précédé. Et donc c'est important, barakallahu fikoum, qu'on accorde de l'importance à ce livre. Le livre qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre, et qu'on le lise aussi durant la nuit. Et donc c'est important, barakallahu fikoum les frères, qu'on corrige ce problème qu'on a dans la communauté musulmane, le fait qu'on ne lise pas suffisamment le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a cité parmi les caractéristiques des gens du livre, parmi leurs caractères louables, le fait que ces gens-là, ils se prosternent pour Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de prier, le fait de beaucoup prier. On a, nous, une mauvaise habitude. Comme je le dis, comme donc le dit Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, c'est que certaines personnes vont apprendre les sunan, c'est-à-dire ça, c'est sunna. Ils ne vont pas comprendre le mot sunna de la bonne façon. Et c'est pour ça que le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dans un de ses débats, il aborde ce sujet. Il dit, si je pouvais faire en sorte que les gens, ils n'utilisent plus le mot sunna pour dire ce qui est obligatoire, ce qui n'est pas obligatoire, je l'aurais changé. Parce que les gens, ils se trompent comme ça. Le mot sunna, on l'utilise pour dire ça, c'est pas obligatoire. Par exemple, c'est pour ça que une fois, il y a un frère qui m'a dit aujourd'hui, tu es habillé en sunna. Et donc, ici, ce qu'il voulait dire, c'est un vêtement qui est sunna. C'est pas obligatoire, c'est sunna. Et ainsi de suite, il y a plein d'éléments qui vont entrer dans ce sujet. Mais est-ce que c'est ce qui est voulu? Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il nous dit, est-ce que c'est ce qui est voulu par le mot sunna dans la sunna? Dans les paroles du prophète, dans les paroles des compagnons, il dit non, c'est pas ce qui est voulu. Lorsque tu regardes les paroles du prophète et des compagnons, la sunna, c'est la voie obligatoire à suivre. La sunna, c'est la voie obligatoire à suivre. Fa'alaykum bi sunnati. Alors, accrochez-vous fermement à ma sunna. Wa sunnati al-khulafa'ir rashidin. Ainsi que celle des califes bien guidés. Ici, on ne peut pas dire recommandé ou pas obligatoire, etc. Non, c'est la voie obligatoire, la sunna. Et donc, Cheikh Ibn al-Uthaymeen, rahimahullah, il dit, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui posent des questions pour savoir est-ce que ça c'est wajib et est-ce que ça c'est sunna. Et lorsque tu leur dis c'est sunna, eh bien dans leur tête, automatique, ça veut dire je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Et on a aujourd'hui beaucoup de personnes qui malheureusement s'affilient à la sunna. On revient encore une fois au sunna. Beaucoup de personnes qui s'affilient à la sunna. Et subhanallah, quand tu regardes dans les ibadat, on n'a que les obligations. On n'a que les obligations. Tu vois les awam, ils sont là, ils font toutes les nawafil. Toutes les nawafil. Les salafis déjà, subhanallah, dans beaucoup de mosquées, subhanallah, ça fait de la peine. Les derniers à arriver à la mosquée. Les derniers à arriver à la mosquée. Dernier rang. C'est vraiment, je suis à la limite pour avoir mon obligation. Alhamdoulilah. Ensuite, les nawafil. Ouais, le mieux, c'est de les faire à la maison. Hein? Le mieux, c'est de les faire à la maison. Et ensuite, quand tu vois à la maison, il n'y a pas. Et donc, barakallahu fikoum, les frères. C'est important. Ça fait partie du comportement, ça aussi, envers ton Seigneur. Le fait que tu œuvres avec ta science, que tu œuvres avec les connaissances que ton Seigneur t'a données. Il y a certaines personnes qui ne connaissent pas ça. Elles ne connaissent pas ces prières-là. Elles ne connaissent pas ce genre de choses. Toi, tu es au courant que la sunna du prophète, c'est ça, c'est ça. T'as, fais-le. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Lorsque c'est pour le travail, on est capable de courir, mashallah. On est capable de vraiment partir partout, aller faire des courses à droite, à gauche, si, ça, ça, ça. Taïb, quelques actes surrogatoires, barakallahu fikoum. C'est important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, la taj'alu buyutakum kuboura. Ne faites pas en sorte que vos maisons soient des cimetières. Une maison dans laquelle on ne prie pas. Il n'y a pas le rappel d'Allah, tabaraka wa ta'ala. On est là que pour parler de dunya à la maison. Dunya, dunya, dunya, dunya. Parmi les caractéristiques qu'il a citées, Allah tabaraka wa ta'ala dans ses versets, il y a le fait donc d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Ordonner le bien et interdire le mal. Le fait d'accourir au bien. Le fait d'accourir au bien, les frères, barakallahu fikoum, cela fait partie aussi des caractéristiques des compagnons. Ils ne laissaient pas des bonnes actions passer comme cela, mais ils accouraient pour faire des bonnes actions, pour pouvoir donc se préparer pour l'au-delà. Pour se préparer pour l'au-delà. Et nous, on est où de tout cela? Et donc l'imam Ibn Baz, rahimahullah, il développe concernant certains des critères qui ont été cités. Et il nous dit, فهذه الخصال الحميدة التي أخذ بها خيار أهل الكتاب ومن هداهم الله من علمائهم إيمان بالله وخشوع وخضوع لله. Il nous dit donc ces caractères louables qu'ont eu les meilleurs des gens du livre, ainsi que ceux qu'Allah a guidés parmi leurs savants. Le fait de croire en Allah, avoir la foi en Allah, tabaraka wa ta'ala, ainsi que le fait d'avoir le caractère humble pour Allah, tabaraka wa ta'ala, wa ta'atun lillah, ainsi que le fait d'obéir à Allah, subhanahu wa dhullun bayna yadayhi, subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait d'avoir une profonde obéissance et asservitude pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Et là, il montre un point important. concernant le comportement. Et souvent, on n'accorde pas suffisamment d'importance à ce sujet. Et l'imam Ibn Baz, rahimahullah, il nous donne un conseil concernant le comportement et regardez sur quoi il se concentre. ثُمَّ مَا ذَلِكَ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَلَا يَجْحَدُونَ الْحَقَّ وَلَا يَكْتُمُونَهُ كَمَا فَعَلَ عُلَمَاؤُهُمُ الضَّالُّونَ. Et ensuite, malgré cela, ils ne vont pas vendre les versets d'Allah à vil prix. Ils ne vont pas rejeter la vérité. Ils ne vont pas la cacher comme l'ont fait leurs savants égarés. Et donc on a dit, il fait partie du bon comportement, le fait d'œuvrer avec les versets d'Allah. Donc on a dit, ceux parmi les gens du livre qui ont vendu les versets d'Allah à vil prix, c'est-à-dire qu'ils ont préféré le bien d'ici-bas, leur position, leur confort, plutôt que de dire aux gens la vérité. Et les gens qui ont un bon comportement envers Allah tabaraka wa ta'ala, ils ne font pas cela. Ils disent aux gens la vérité, que cela plaise ou non. Tu peux m'accuser de ce que tu veux après, soit fou ou autre. Moi, je dois te dire la vérité. Ils n'ont pas peur de dire aux gens la vérité. Ils ne vont pas cacher la vérité, comme certains le font par faiblesse. Comme une fois un imam qui m'a dit, Subhanallah, c'est vraiment une épreuve. Hein. C'est vraiment une épreuve. Je lui dis, mais Yahri, il y a quand même pas mal de moussa afek dans ta mosquée. T'es un imam quand même, tu peux parler sur le sujet, tu peux leur montrer la vérité. Il m'a dit, non, tu sais, il y a certains qui connaissent les dirigeants. Si je parle de ce sujet, ils vont me mettre dehors. Ils vont me mettre dehors. Subhanallah. Quand on arrive à ce point-là, c'est parce qu'on n'a vraiment pas compris le bon comportement envers Allah tabaraka wa ta'ala. On n'a pas compris la responsabilité que tu as. Être imam, ce n'est pas diriger une prière, frère. Ce n'est pas diriger une prière. Tu dois montrer aux gens la voie qu'ils doivent suivre. Tu dois les mettre en garde contre le mal, les prévenir contre le mal. Et donc il dit l'imam Ibn Baz, rahimahullah, ces gens-là ne cachent pas la vérité comme l'ont fait leurs savants égarés. Donc les savants des gens du livre qui étaient égarés. « Katamu sirata Muhammadin alayhi salatu wa salam » Ils ont caché donc les attributs. Ce qui est voulu ici, ce sont les attributs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la vérité le concernant. Et ils ont caché beaucoup de vérité, et tout cela à cause de leur part éphémère et mondaine. Et tout cela pour donc bénéficier de ce qu'ils voulaient parmi les délices de ce bas monde. أما أهل العلم والإيمان من الأولين والآخرين أهل الخوف من الله فإنهم ينطقون بالحق ويصرحون به ولا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا بل إن من أعمالهم العظيمة بيان الحق والدلالة عليه والدعوة إليه والتحذير من الباطل والترهيب منه يرجون ثواب الله ويخشون عقابه سبحانه وتعالى. Il dit l'imam Ibn Baz rahimahullah, par contre, les gens de science, les gens qui ont la foi, parmi les premiers et les derniers, donc des premiers aux derniers, ceux qui ont la peur d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors ces gens-là, ils disent la vérité. Et ils le disent clairement. Ils ne vendent pas les versets d'Allah à vil prix. Mais il y a certes parmi leurs bonnes œuvres le fait de montrer la vérité et d'appeler les gens à cela, de mettre en garde contre le faux et de faire en sorte que les gens ont peur de tomber dans le faux. Et ils espèrent en cela la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont peur de son châtiment, subhanahu. Et ça, c'est le travail des gens de science et de ceux qui les ont suivis. C'est une obligation. C'est une obligation de dire aux gens la vérité, de leur dire ce qu'ils doivent suivre et de les avertir, de les mettre en garde contre toute fausseté et contre tout égarement, contre toute déviance. Et donc les gens qui ont la foi, les gens qui ont le bon comportement avec Allah tabaraka wa ta'ala, voilà ce qu'ils font. Voilà une de leurs caractéristiques, donc, min awsafihim al-azim, une de leurs caractéristiques qui sont grandioses. Grandioses. Et subhanallah, vous remarquerez, barakallahu fikoum, comme on l'a dit précédemment, que À notre époque, peu de personnes accordent de l'importance à ce sujet. Le fait qu'il fait partie du bon comportement, le fait de dire aux gens la vérité. Les gens ont mal compris le bon comportement. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris le bon comportement chez les koufars. Voilà, tout simplement. Il faut dire les choses clairement. Ils ont pris le bon comportement chez les koufars. Ils ont vu qu'un tel, il nous dit le bon comportement, c'est si, rester debout, droit, ne pas bouger, comme à l'école, tu ne mets pas ta main sur la table, tu ne mets pas le coude sur la table, etc., etc., etc. Le bon comportement, ça s'arrête là. Non, non, non, pas du tout. Le bon comportement, tu le prends d'abord dans le Coran et la Sunna. Et ensuite, après cela, on regarde s'il y a dans la culture de ton pays, donc, des éléments qui sont louables et qui ne sont pas contraires au Coran et à la Sunna. Oui, ça aussi, ça rentre dans le comportement. La culture qu'il y a dans ton pays, comme par exemple, dans certains pays, on va te dire que tu ne peux pas donc étendre tes pieds en direction d'une personne, etc., etc. Ils vont te dire c'est mal poli. Ne va pas dire « Ah, il n'y a pas de preuve dans le Coran et la Sunna ». Non. Les gens dans ce pays, ils voient que chez eux, ça ne se fait pas. Est-ce qu'il y a un élément qui contredit cela dans le Coran et la Sunna ? Évite de le faire. Évite de le faire. Et donc oui, on prend cela en compte dans le bon comportement. Mais la priorité, le bon comportement, tu le prends dans le Coran. Le bon comportement, c'est-à-dire ce qui est voulu par Allah, ce sont les caractéristiques qu'Allah a louées dans son livre. Et dans son livre, Allah tabaraka wa ta'ala a fait les éloges de ceux qui disent aux gens la vérité, de ceux qui restent fermes. Certains vont te dire, oui, un tel, ouais, c'est vrai, Al-Manhaj, il a compris, mais il est un peu dur. Il est un peu dur, ils disent. Vous voulez en fait qu'il soit doux tout le temps? Vous voulez qu'il soit doux tout le temps en fait? Non, parfois il va parler avec dureté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans certains sujets, il a parlé à ses compagnons avec dureté. Inna kamru'un fika jahiliya. Tu es un homme, il y a en toi de la jahiliya. Et donc parfois, certains agissements nécessitent de la dureté. C'est pour le bien. De la même façon que ton enfant, dans l'éducation que tu vas donner à ton enfant, tu ne vas pas lui dire tout le temps, « mon fils, ne prends pas mon téléphone. » Il le reprend encore. « Ne prends pas mon téléphone. » Il le reprend encore. « Ne prends pas mon... » Mais je t'ai dit, il ne faut pas prendre le téléphone, c'est pas bien. Regarde, si, ça, ça. Tu lui as dit 150 fois, « Ne prends pas le téléphone. » Tu vas continuer encore à dire, « Ne prends pas le téléphone. » Ou tu vas monter le ton un petit peu. Tu vas monter le ton pour qu'il comprenne, c'est pour son bien. Nous, les adultes, on n'a pas besoin de ça. Nous, les adultes, nous aussi, parfois, on a besoin d'un peu de dureté pour qu'on comprenne, c'est pour notre bien. Parfois, ça fait du bien. Ton frère, il vient te voir avec un peu de dureté pour te montrer que tu as fait n'importe quoi. Dis-lui, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Et certes, les savants, ils ont cité dans les leçons, dans les bénéfices du hajar, le boycott. Parfois, le boycott peut avoir un bon impact sur l'individu. Le fait qu'il se remette en cause. Et est-ce qu'on va dire que le boycott, c'est du mauvais comportement ? Alors que les compagnons, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont fait. Et tout cela, barakallahu fikoum, pour qu'on apprenne que le bon comportement, c'est pas chez les koufars qu'on doit le prendre. Il faut retirer ça de nos têtes. Ce que tu as appris quand tu étais à l'école, quand tu étais petit, retire-le, mets-le de côté. Mets-le de côté. Le bon comportement, tu le prends dans le Coran et la Sunna. C'est là que tu dois prendre le bon comportement. On arrête là pour aujourd'hui. Bi-idhnillahi ta'ala wa faqallahu jami'a lima yuhibu wa yarda. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا.